prison. C'est que Lumumba a eu, avec une lucidité extraordinaire, une précocité qui étonne à comprendre à son époque, le fait qu'il ait insisté qu'on ne peut pas construire une société humaine heureuse dans l'injustice, dans l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un peu des thèmes marxistes, mais il les avait, lui, compris, perçu et exprimé de façon tout à fait autonome. Donc c'est une pensée extrêmement riche. Et avec son identité africaine. Avec son identité africaine. Et puis une autre dimension. Lumumba, c'est quelqu'un que le néocolonialisme a diabolisé à outrance, et ça continue. Et d'ailleurs, quand vous voyez des histoires qui paraissent dans la presse en Flandre, par exemple, la diabolisation, elle continue de plus belle. Mais on a tué le fait qu'il a été le premier chez nous, en Afrique, à dire que nous ne pouvons pas construire ce pays seul. Les Blancs qui sont avec nous, qui nous aiment, seront des citoyens à part entière. Si les autorités belges de l'époque ne l'avaient pas combattu d'une façon féroce, le 30 juin 1960, nous aurions accédé à l'indépendance avec des ministres blancs au gouvernement. Parce que Lumumba avait la conviction que nous-mêmes, nous, les Africains, que nous ne pouvions pas nous tirer seuls d'affaires compte tenu des armes culturelles que nous avions pour gérer un État moderne. Il y a eu des gens comme des Van Leer, il y a beaucoup, Madame Aukers, en Belgique, qui ont connu Lumumba, qui retiennent de lui l'image d'un homme qui n'avait rien de raciste. Mais la propagande coloniale l'a présenté comme communiste, comme anti-blanc, tout ça là. Ouais. Ouais, pour le diaboliser. Alors, pas anti-blanc, était-il anticapitaliste au point d'avoir été assassiné par des intérêts capitalistes ? Il n'était pas anticapitaliste pour le moins du monde. C'est quelqu'un qui était tout à fait équilibré. Lui, il disait, il faut construire une économie où l'État a une part de participation et le privé une autre. Il n'avait jamais dit qu'il faut nationaliser. Mais il avait dit qu'il faut la présence de l'État, des moyens de l'État, pour inciter les entrepreneurs privés à s'engager dans certaines actions de développement qui ne sont pas immédiatement rentables. Tout ça. Et une redistribution. Tout à fait, tout à fait. Et on peut dire que c'était plutôt un social-démocrate. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, à votre sens, c'était vraiment quelqu'un de compromis. Il n'a pas été éliminé pour cause de son radicalisme, non, mais non. D'une erreur d'analyse de ses ennemis. Oui, parce qu'il faut aussi se replacer à l'époque. Il y a un certain nombre de Blancs pour lesquels, des Blancs coloniaux, pour lesquels la réussite des Noirs, la réussite de Lumumba était une défaite personnelle pour eux. Parlons maintenant un peu de panafricanisme, puisque dans la pensée de Lumumba, le panafricanisme, depuis la conférence d'Accra, occupait une place assez conséquente. Est-ce que Lumumba pensait, comme Kwame Nkrumah, que l'Afrique ne s'en sortirait qu'en s'unissant et que par l'intégration africaine, sans l'intégration africaine, pardon, l'Afrique n'arriverait pas à se développer et à concurrencer les autres grandes nations du monde? Il partageait la même pensée. Et lui, il disait, écoutez, vous ne pouvez pas être heureux seul. Pour être heureux, il faut que votre voisin le soit aussi. Vous ne pouvez pas réussir seul. Pour réussir, il faut que dans votre entourage, tout le monde puisse aller dans la même direction. Donc, il estimait que c'était un devoir naturel des Africains de pouvoir construire quelque chose de plus grand qui passe par la perte de souveraineté nationale pour un ensemble africain plus large. Ouais. Donc l'unité africaine serait beaucoup plus loin avec des leaders comme Kwame Nkrumah et,